Racine de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, eh bien, je vous propose aujourd'hui d'écouter Aude Vidal qui a coordonné l'ouvrage « On achève bien les éleveurs, résistance à l'industrialisation de l'élevage ». C'est paru aux éditions L'Échappée à la fin de l'année 2017 et c'est assez joliment illustré par Guillaume Trouillard qui a fait des aquarelles qui présentent les personnages interviewés dans cet ouvrage et d'autres vues sur le monde de l'élevage. Mais tout de suite, je laisse la parole à Aude Vidal. Le bouquin, il est co-signé avec Guillaume Trouillard, qui est dessinateur qui fait des récits graphiques. Et donc, la particularité du bouquin, on est crédité tous les deux parce qu'il y a quand même une dimension graphique qui saute pas mal aux yeux. Le bouquin est illustré à chaque page avec des dessins de Guillaume, qui sont à la fois des dessins pris sur le vif quand on a rencontré les éleveurs ou les gens qu'on a interviewés. Et à la fois des interventions qui sont vraiment des discours politiques, je trouve qu'ils sont assez forts de la part de Guillaume, qui est donc un dessinateur qui a une fibre anti-industrielle assez forte. Je parle un petit peu de lui en intro. Ça porte bien son nom, quoi. On achève bien les éleveurs. Ça parle de la disparition d'un corps de métier et des résistances, des poches de résistance qu'il y a encore. Comme on vient de parler des éleveurs, on peut peut-être aussi dire aussi les personnes qui sont interviewées. On a interviewé à la fois des éleveurs et à la fois des intellectuels ou des chercheurs. Et en fait, on a interviewé aussi beaucoup d'éleveurs aussi qui écrivent, qui pensent. Et tous, à peu près, les chercheurs, les éleveurs sont très militants et sont pas mal engagés sur ces questions. Et donc, on a des personnes comme quelqu'un qui a vraiment les deux dimensions, c'est Xavier Nouliane, qui est éleveur dans le Lot-et-Garonne et qui a écrit un bouquin que vous avez peut-être remarqué qui s'appelle « Le ménage des champs ». C'est un type qui est un chercheur en discipline scientifique qui a goûté de la vie de labo pendant plusieurs années et qui ensuite est parti dans l'élevage et qui a des analyses qui sont vraiment super, super intéressantes. Il y a aussi des intellos qui sont à la campagne, comme les gens du groupe Marcuse, qui ont quitté Paris, les grandes villes, et qui sont allés s'investir dans le Tarn, où, ce qu'ils nous racontent en intro, ils mènent des activités intellectuelles et vivrières. Puis après, des gens aussi comme Jean-Pierre Berland, qui avait écrit « La guerre aux vivants » et qui, je crois, finit sa carrière dans un placard à l'INRA. Et puis Jocelyne Porcher, qui est une sociologue qui travaille sur la relation avec les animaux, qui, elle, est aussi très... très active et puis qui mobilise pas mal de réseaux et puis qui travaille avec beaucoup de jeunes chercheurs qui s'intéressent à ces questions et qui mène une certaine contre-offensive contre des offensives de philosophie des animaux, enfin de regard sur les animaux qui a vachement évolué ces 10 dernières années. On le voit vachement dans la sphère publique maintenant et donc c'est une résistante elle aussi pas mal. Et puis pour des éleveurs qui sont aussi, il y a aussi Fabrice Jaragoyen, qui est un éleveur du Pays Basque, qui est un des animateurs aussi, ou qui écrit régulièrement dans une revue qui s'appelle Rao, qui est une revue franco-basque, enfin française, d'expression basque et francophone. Et puis il y a aussi Stéphane Dinard, qui est syndicaliste à la CNT, et puis qui mène une lutte aussi pour l'abattage des animaux sur la ferme. Et après avoir aussi animé un groupe de producteurs-consommateurs, il y a aussi un copain qui s'appelle Christophe Richard, qui est dans le Lot-et-Garonne aussi. Et puis des fermiers qui sont en Isère et qui, eux, sont des agronomes, qui ont aussi bossé, je pense, comme agronomes, et puis qui se sont dit qu'ils en avaient marre, qu'ils avaient envie d'être sur la ferme et puis de faire des choses utiles. L'un d'entre eux est assez actif au réseau Semences Paysannes. C'est vraiment des intervenants qui ont souvent une formation intellectuelle et puis une formation agricole et qui ont tâté aussi de tout. Même Jean-Pierre Berland, hein, qui est vraiment historien, économiste, il me racontait qu'il avait beaucoup appris en ayant des ruches Et donc c'est des gens qui sont très très complets, des éleveurs qui écrivent et puis des intellos qui pratiquent aussi. Comme je disais, tous sont très très engagés contre un mouvement de fond qui est la disparition de ce qu'on peut appeler l'élevage par opposition aux productions animales industrielles. C'est une distinction sémantique à laquelle Jocelyne Porcher tient beaucoup et qui, je l'espère, est entendable. En fait, les productions animales industrielles, c'est pas une insulte, c'est le mot qu'utilisent en fait l'administration agricole, les écoles d'agriculture, tout ce monde en fait parle de production animale et avec un côté très très j'allais dire déshumanisant en fait, qui a une manière de nommer les choses qui est pour la plupart des auteurs du bouquin une rupture fondamentale avec la relation d'élevage et notamment le travail sur des fermes qui sont pas de la monoculture, on va dire. En fait, on est parti d'un modèle d'il y a très longtemps d'agriculture de vivrière en fait, qui faisait manger les gens avec un surplus qui était échangeable sur le marché, avec une grosse main d'œuvre consacrée à l'agriculture qui devait être de 80% sûrement à une époque, à une agriculture ultra spécialisée dans laquelle, au mieux, quand on parle de polyculture élevage, ça veut dire que les types font les foins et le fourrage et produisent l'aliment du bétail. Et c'est le cas aujourd'hui pour les éleveurs du bouquin. Beaucoup d'éleveurs du bouquin font une seule production. Et je sais plus comment Xavier Nouliane exprime ça. Il dit, je crois qu'il dit, ici c'est pas une ferme, hein, c'est une exploitation agricole. Il est vraiment assez un type qui a aucune complaisance par rapport au monde dans lequel on vit et puis par rapport à la manière dont lui s'adapte au monde. Et il nous explique que voilà, c'est ça où il crève. C'est ça où il fait le mariole avec l'argent du RSA et trois chèvres. Et donc il nous raconte, c'est une production spécialisée. Alors il fait du foin, il fait des productions végétales, mais en revanche c'est uniquement pour produire, pour faire de la bouffe, pour donner à manger à son bétail, qui est des chèvres et des brebis. Et ensuite il vend une seule chose, c'est-à-dire des produits laitiers transformés. Et un petit peu les jeunes mâles et puis les jeunes femelles qu'il veut pas garder, qui sont vraiment du sous-produit, du merde, qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes agneaux et les jeunes agnelles. C'est des productions ultra spécialisées, et là d'où on parle maintenant, c'est quand même des éleveurs qui vivent dans un monde. Déjà on est passé sur un élevage, il y a encore une relation d'élevage, pour eux c'est évidemment le mot qu'ils mettent dessus, mais c'est déjà plus un modèle de. Enfin, on est dans d'autres choses que de l'élevage traditionnel, même si on a l'impression, vu de loin, il y en avait un qui racontait qu'on lui demandait, alors c'est pas lui qui le raconte, mais il raconte qu'on avait demandé à un camarade de mettre ses brebis à côté d'un GR pour que ça fasse de l'animation sur le GR et qu'on ait des beaux paysages. Et donc l'image qu'on a quand on voit la pâture, les animaux, c'est une image de « Oh, la France éternelle, oh, les animaux, ils ont toujours été pareils ». Et en fait, ce qu'ils nous racontent, c'est quand même que déjà, ils sont dans un modèle où les animaux sont une conformation qui est vraiment très très différente de celle qu'on pouvait trouver il y a 100 ans, et que le modèle économique, il est sans aucun rapport. Et quant à l'administration des fermes, l'administration de l'agriculture est telle qu'elle se fait, telle qu'ils le voient au niveau de la ferme, c'est vraiment pas du tout un modèle de petit paysan traditionnel comme il y a 50 ans. C'est un monde qui a vraiment beaucoup, beaucoup bougé, qui a été pas mal bouleversé et qui est tout le temps en train de changer très très vite. Il y a quelques trucs dans le bouquin qui sont déjà périmés parce que c'est un monde qui change à une vitesse incroyable et qui est dans une insécurité, une instabilité qui tient beaucoup aussi aux décisions du gouvernement, enfin aux décisions du ministère, l'administration, de changer ci ou ça. Il y a des retours en arrière, des innovations, enfin ça change très très vite, c'est un mouvement qui est vraiment pas... Dans l'historique qui est un peu au début du bouquin, il y avait beaucoup de relations entre la guerre, entre l'évolution technique de la Première Guerre mondiale et ensuite l'industrialisation de l'agriculture en général et de l'élevage aussi. Alors ça c'est une interview avec Jean-Pierre Berland, qui est donc historien, économiste. Le terrain est plutôt l'agriculture états-unienne, donc c'est des analyses dont on parle des États-Unis et qui sont valables dans une moindre mesure en France, ou en tout cas avec du décalage, et qui racontent cette arrivée de la mécanisation de l'agriculture. Il raconte aussi comment l'agriculture se marchandise, en fait, comment les produits... parce qu'en fait, à partir du moment où on sort de ce modèle de fermes sans pétrole, de fermes enfin sans en tout cas sans charbon, sans avec de très peu de besoins d'intrants en fait, que ce soit en énergie, en autres ressources, des fermes qui sont relativement autosuffisantes en fait et qui sont pas amenées à échanger beaucoup sur le marché. Il raconte en fait qu'avec la mécanisation, avec la motorisation surtout, et puis l'arrivée aussi d'innovations techniques comme les engrais, les pesticides, il y a tout ça. Avant la Première Guerre mondiale, on a un modèle d'agriculture qui est relativement, ce qu'on pourrait dire, traditionnel. Je trouve que c'est bizarre d'utiliser ce mot-là, mais une agriculture qui est pas insérée à ce point dans l'économie, qui est relativement low-tech, en fait, avec des techniques assez simples et appropriables et maîtrisées de bout en bout par les paysans. En fait, à partir de la Première Guerre mondiale, il y a un modèle qui s'impose, en partie dû aux innovations techniques qui ont mené à la guerre et puis qui ont alimenté la guerre, qui sont, alors il dit, pour les pesticides, c'est les gaz moutarde, enfin tous les gaz de guerre, les gaz de combat. Pour les engrais, c'est tout... Ouais, l'ammoniac aussi pour faire les bombes. Donc les engrais, c'est plutôt lié aux bombes, aux explosifs. Et puis les moteurs, c'est plutôt des moteurs de tank, en fait, qui ont été adaptés après coup au tracteur. Et donc il y a à la fois deux choses, en fait. Il y a à la fois les innovations techniques qui se diffusent, qui sont menées par les budgets militaires et qui ensuite se diffusent dans d'autres secteurs d'activité. Et puis il y a aussi le fait que les prix agricoles augmentent en temps de guerre, qui fait que très vite les types se retrouvent à la tête de vraiment de beaucoup d'argent. Et du coup, les fermiers américains se retrouvent avec beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser. Et puis, il y a des innovations techniques de l'autre côté. Donc, il y a une période d'équipement massif qui mène à plein de choses, y compris le fait de pouvoir travailler avec moins de monde sur plus de terres. Donc, perte de main-d'œuvre. Et puis, une intégration économique vachement forte qui fait qu'il faut payer du pétrole sur la ferme. Et puis, qu'il faut vendre ensuite des matières. Et du coup, ça mène à un changement d'échelle assez impressionnant. Et donc, les sources de l'agriculture industrielle, elles sont dans cette Première Guerre mondiale. Mais en France, la plupart des observateurs, ils parlent plutôt de la Deuxième Guerre mondiale comme le moment où, pour d'autres raisons, en fait, c'est tout ça se diffuse en France avec une volonté productiviste super forte en 1949. En 1945, pardon. Et alors, c'est encore Jean-Pierre Berland, je crois, qui nous raconte que la France a adhéré à un club d'exportateurs de blé. Alors que les gens étaient encore soumis à des cartes de rationnement sur le pain, en fait. Parce que c'est des cartes de rationnement qui ont duré jusqu'en 1949. Et c'est en 1947 ou 48 que la France a déjà décidé qu'elle allait exporter. Souvent, le récit en fait, qu'on entend, c'est qu'à la sortie de la guerre, la France a faim, il faut absolument donner à manger à tous ces pauvres gens et tout. Et ce qu'il nous raconte, c'est que c'est un projet politique et que la France, elle n'a pas eu envie de nourrir les Français. Elle a eu envie d'exporter et de se faire plein de pognon sur sa production agricole. Et puis de s'engager dans un modèle d'agriculture super intégrée à l'économie, avec peu de main-d'œuvre, et puis les gens vont bosser à l'usine, et puis les prix agricoles y baissent pour que les gens puissent acheter des biens de consommation, pour que ça puisse faire un marché pour les produits industriels, pour ensuite passer à des modèles de développement aussi qu'on connaît, quoi. Après que le secteur primaire baisse, le secteur secondaire augmente, et puis ensuite au bout d'un moment c'est le secteur tertiaire. Et en ce moment, c'est vrai qu'un paysan, il fait quand même vivre pas mal de monde, notamment dans le tertiaire et puis dans la fonction publique, et assimilé avec tout ce qui est la bureaucratie qui se développe derrière leur métier. Et donc voilà, tout ce changement, il a lieu plutôt après-guerre en France, mais il est assez impressionnant aussi. Enfin, il y a toute une rationalisation des bêtes qui a été faite au fur et à mesure, et ça va maintenant jusqu'à la reproduction complètement artificielle des ovins, c'est-à-dire des moutons et des chèvres. Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler de l'espèce de concentration et puis d'établissement d'enclosures en fait sur le vivant végétal, sur la graine Terminator, sur tous les hybrides, sur les législations contre les semences paysannes et l'impossibilité de les échanger, de les vendre, de les faire circuler en fait de ferme à ferme, et puis l'idée c'était de s'en débarrasser. de faire en sorte qu'elle soit plus là que dans des mini-conservatoires ou des paysans transformés en écomusées, et puis un conservatoire dans l'Antarctique où on garderait la biodiversité végétale sans la cultiver. Donc il y a eu beaucoup de choses sur ça. En revanche, sur le vivant animal, on s'aperçoit qu'il y a des projets qui sont dans les cartons, qui ont été avancés et puis qui ont été reculés, qui sont du même ordre. Mais à terme, il y a l'idée de faire certifier tous les mâles reproducteurs en France. La raison pour laquelle elle a été abandonnée, il paraît que ça, c'est parce que s'il faut les faire certifier, bah, l'État a l'idée que de le faire certifier par l'INRA et puis les gens qui bossent avec l'INRA. Le problème, c'est que c'est un marché ouvert. Il y aurait eu beaucoup de gens sur ce marché de la certification des mâles reproducteurs et apparemment, ça aurait un peu emmerdé l'INRA d'ouvrir le marché comme ça, largement. Mais l'idée, c'était, je crois, même sur les abeilles, en fait, de certifier même les mâles reproducteurs chez les abeilles. Et c'était vraiment aller très loin sur tous les animaux qui sont administrés, en tout cas par les êtres humains. C'est une situation qui existe pas mal chez les bovins. Il y a relativement peu de mâles reproducteurs. Alors l'idée, quand on est un fermier, si on a un mâle reproducteur certifié, c'est-à-dire qu'on peut avoir soi-même un mâle sur la ferme, mais ça n'a pas grande utilité en fait, parce que finalement tu as quoi, 100 vaches et tout, et faire saillir 100 vaches par un taureau, c'est relativement coûteux, alors qu'il suffit d'acheter des paillettes de sperme en fait. Et donc la situation qui se passe en ce moment, c'est plutôt qu'il y a quelques mâles qui bossent à faire des inséminations, enfin à produire du sperme pour des inséminations artificielles pour des centaines et plutôt des milliers de vaches. Et on se retrouve dans cette situation bon, qui est assez catastrophique, assez vite, de penser à la consanguinité qui peut se développer. Dans une première version du bouquin, qui était en fait un reportage qu'on avait fait pour la revue Dessinée, on avait rencontré un membre de Faux Pas Pucer qui était aussi agronome et, ou professeur de biologie, je ne sais plus, et qui nous disait que très très vite ça allait mal se passer parce qu'il allait aussi, et ben du coup, le sperme en paillette du taureau allait se retrouver chez ses filles en fait. Et que très vite, s'il y avait plus que 10 ou 20 ou 30 taureaux qui opèrent dans tout le pays, on va avoir très vite une grosse consanguinité parce qu'il y a vraiment des chiffres, c'est vraiment des milliers de femelles pour un seul mâle. Et donc c'est une situation qui n'y a pas du tout, on ouvre un caprin où on a relative diversité. Officiellement, il n'y a pas de projet, il n'y a plus de projet comme ça, mais on sait bien qu'à terme, ça reste l'idée de certifier tout le matériel reproducteur, en fait, parce que c'est vraiment du matériel qu'il s'agit. Ou alors, la certification, alors ça pouvait être aussi quelqu'un qui prenait la peine aussi de faire analyser son mâle par l'INRA ou par un laboratoire. Et là, c'est un témoignage qu'on a qui vient du Pays Basque, qui est un pays où il y a eu pas mal de tremblements du mouton, parce qu'il y a beaucoup de moutons. Et où INRA a fait des expériences grandeur nature de faire des analyses à fond sur les béliers. Et tout ça n'était pas très très sérieux parce qu'en fait ils ont réussi à enlever de la circulation un tas de béliers qui avaient des caractères génétiques qui étaient soi-disant propices à la tremblante du mouton. Et alors c'était plutôt des béliers dans une espèce dont j'ai oublié le nom, dans une race dont j'ai oublié le nom. Et il y avait trois races, il y a la basco-bernaise, la manège tête rousse et la manège tête noire, et je ne me souviens plus laquelle est laquelle, excusez-moi. Donc pour ça, il faut lire Fabrice Jaragoyen et puis les textes qu'il a produits, et puis bouquin On achète bien les éleveurs. Mais finalement, l'administration, en fait, qui à la fois, quand je dis l'administration, c'est à la fois le ministère, ses services déconcentrés, ses services décentralisés, et à la fois des organisations de producteurs, en fait, qui donnent la matraque pour se faire battre et qui participent à la co-gestion du truc. Et donc l'administration sanitaire avait décidé d'éradiquer en fait certains béliers au motif qu'ils seraient sensibles a priori à la tremblante du mouton, alors qu'en fait les béliers les plus sensibles, les béliers dont on a vu empiriquement qu'ils étaient le plus souvent malades, c'était les béliers d'une autre race qui était beaucoup plus industrielle, on va dire. Et donc finalement ils se sont privés de la... Enfin, ils sont en train de pousser à l'éradication de certains béliers qui sont plus résistants, plus rustiques, sous prétexte qu'ils ont un caractère génétique qui pourrait éventuellement les rendre malades, alors qu'en fait, empiriquement, c'est d'autres. Donc il y a une situation complètement folle où on décide qu'il y a des animaux qui doivent disparaître parce qu'ils n'ont pas le bon ADN, la bonne génétique. Et ça va dans le sens aussi de ce contrôle absolu sur les mâles reproducteurs. et avec l'idée que à terme tous les mâles reproducteurs devraient être certifiés d'une manière ou d'une autre avec une carte d'identité génétique ou avec en tout cas un contrôle sur leur patrimoine génétique. C'est l'émission Racine de Moisin et on écoute Aude Vidal qui nous présente son ouvrage « On achève bien les éleveurs, résistance à l'industrialisation de l'élevage ». Voilà, et donc, petite pause musicale, mais tout de suite on va continuer avec Aude Vidal qui va nous parler du puçage des animaux. Et puis il y a une réalité, une situation actuelle de l'identification des animaux qui est assez bizarre, parce qu'en fait c'est par espèce animale que les animaux sont identifiés, l'idée étant d'avoir une traçabilité et de faire en sorte que les chevaux ne se retrouvent pas dans les lasagnes. Et en fait les chevaux c'est une espèce pour laquelle il y a un puçage obligatoire. Donc tous les chevaux en France sont pucés, ils ont une puce RFID sous-cutanée. Et ça a été assez facile à mettre en œuvre parce que les gens qui ont des chevaux ont peur de se les faire chourer. Et donc c'est un truc qui est passé comme une lettre à la poste. Sur les bovins, il y a aussi beaucoup de contrôle. Et alors je crois que les bovins ont une carte d'identité. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est une des espèces dans lesquelles ils sont le plus surveillés. En revanche, sur les cochons, un truc qui est vraiment bizarre, c'est que vous ayez un cochon ou 10 000 cochons, ils ont tous le même numéro. C'est-à-dire que les cochons, l'animal qui est le plus mangé en France, qui est le plus industrialisé, il n'y a pas d'obligation d'identification individuelle, ce qui est quand même fou quand on sait l'industrialisation et puis les saloperies qu'il peut y avoir dans les usines à cochons. Et en revanche, sur les ovins caprins, on a un truc un peu spécial, c'est-à-dire que c'est une des espèces qui sont, on va dire, dont l'élevage est le moins industrialisé, dans lequel il reste vaguement des poches de ce qu'on peut appeler l'élevage. C'était dans lesquelles les productions animales de type industriel font pas 99% de la production comme en cochon. Et laissent la place à des productions artisanales, voire folkloriques. Enfin, on a tous en tête cette idée de s'installer avec des chèvres quelque part à la montagne. Et donc c'est un peu pour rompre avec cette idée de chèvres et brebis qui sont liées à un mode de vie très rural, un peu néo-hippie, tout ça, que la Fédération nationale ovine prôner en fait auprès de l'administration. Donc c'est vraiment je disais tout à l'heure, c'est pas que l'administration, c'est pas que les instances gouvernementales et puis l'État, c'est aussi l'administration des éleveurs eux-mêmes en dialogue avec le ministère et ses services. Ils ont proposé de rendre obligatoire le puçage des ovins et des caprins à partir de, je crois que c'était juillet 2010. Et puis il y a une grosse grogne, et puis finalement ils ont un peu reculé, et disons que c'était pas la peine de pucer tout le monde en juillet 2010, il fallait juste pucer les animaux qui naissaient. Donc à terme, 5 ou 10 ans après, il n'y aurait plus que des animaux pucés. Et c'est là qu'il y a beaucoup de discussions, et puis de remue-ménage, et puis d'opposition à cette mesure chez les éleveurs, avec, on le voit un peu dans le bouquin, avec des gens qui sont partis sur des trucs très très différents. Alors je crois que la Confédération paysanne n'a pas été extrêmement courageuse, parce qu'ils ont plutôt trouvé que quand même c'était un truc qui allait coûter cher pour les éleveurs, et ils ont plutôt grogné sur les emmerdes et sur les coûts. Et à côté de ça, il y a des éleveurs qui ont gueulé contre l'obligation de puçage. Et à côté de ça, il y a des éleveurs qui ont gueulé contre le puissage tout court. Donc il y a eu beaucoup d'opposition, pas toujours unanime, et puis avec beaucoup de discussions entre éleveurs sur cette question. Et nous, on a rencontré des éleveurs et leurs amis qui sont contre le puissage tout court, et notamment les gens du collectif Faut pas pucer, qui sont pas mal implantés dans le Tarn, pour ceux qu'on a vus, mais il y a des groupes, il y a plein de groupes qui travaillent sur ces questions un petit peu ailleurs. Il ne reste que Faut pas pucer est assez moteur dans la lutte, notamment avec la présence des gens du groupe Marcuse à l'intérieur, qui sont aussi les auteurs d'un bouquin qui s'appelle La liberté dans le coma, et qui parle beaucoup d'identification, et qui fait une histoire aussi de l'identification et du contrôle des populations. Et c'est chez eux, par exemple, j'avais appris que le 1 et le 2 des numéros d'INSEE qui déterminent le genre, en fait, ils étaient suivis de 3 et 4 pour selon l'origine ethnique en fait des gens en France pendant la guerre. Et que donc cette manière d'identifier individuellement les individus que nous sommes, elle dénotait une hiérarchie qui était assez germante. Et donc voilà, c'est un super bouquin, et c'est aussi parce que il y a ces gens-là dans le collectif Faut pas pucer que ce collectif et puis d'autres aussi, d'autres coordinations, ont produit des discours extrêmement intéressants du refus de puissage qui explique pourquoi le puissage leur semble vraiment problématique, et c'est pas juste parce qu'il y a des puces RFID qui se perdent à tous les coins de ferme. Il y a des éleveurs qui nous disent, mais quand même, avant, on tatouait les animaux, et le tatouage, il était indélébile, on pouvait rien en faire, alors que là, les animaux ont des obligations de porter à l'oreille une boucle RFID. Et ils nous disent, bah, dès que les brebis se retrouvent dans les branchages et tout, les puces sautent, enfin les boucles sautent, enfin ils les perdent à tout bout de champ, et c'est très très difficile en fait de garder l'identification. Et c'est donc un moyen d'identification qui crée beaucoup d'informations, qui complique beaucoup, qui rajoute une tonne d'informations en fait. Pourquoi là ils sont aux oreilles ? C'est vraiment des dispositions législatives, donc personne ne comprend l'utilité, et qui ont un côté complètement kafkaïen. En fait, en Espagne, elles sont, c'est des olives, c'est des grosses olives, parce que l'espagnol aime bien les olives, je rigole. C'est des grosses olives que les animaux ingèrent et qui sortent plus jamais, donc elles ont ça dans le bide quelque part. Et là, non, c'est des boucles. Alors il y en a une qui n'est pas électronique, et puis l'autre qui est électronique, et il faut mettre les deux. J'ai rencontré des éleveurs qui ont fini par les mettre parce qu'ils ont perdu beaucoup de pognon et ils se sont fait sucrer beaucoup d'aide en le faisant pas. Ils ont mis en danger la viabilité de leur exploitation. Et en fait, le moyen d'identification que eux préfèrent, d'abord, c'est de donner un nom aux animaux plutôt qu'un chiffre. Et ensuite, c'est le mettre comme un bracelet de cheville. En fait, ils leur mettent une identification à la cheville qui est, selon eux, qui part beaucoup moins difficilement. Et tous les éleveurs nous disent, bah nous on fait pas les choses à la rock'n'roll, et puis on laisse pas les animaux traîner n'importe où. On sait qui y a sur nos élevages, on est capable de dire qui est là, qui est sorti, qui a été vendu, qui est mort, qui a été abattu. En fait, ils font du suivi d'animaux, ils ont des carnets d'élevage qui sont des outils du métier, ne serait-ce que pour gérer un peu la généalogie des animaux et puis ne pas faire saillir une fille par son père. Donc ils ont un suivi qui est beaucoup plus fin que ce qu'on leur demande. Et ce qu'on leur demande, c'est de créer de l'information avec des outils qu'ils trouvent assez aberrants. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est super high-tech, ça a l'air extraordinairement fin, et puis ça a l'air d'être une mesure qui va empêcher toute fraude en agriculture, et puis comme je disais, aux chevaux de se retrouver dans les lasagnes. Et en fait, ça crée une espèce de couche d'emmerde et tout, qui finalement ne préserve pas forcément la santé des consommateurs, et qui permet juste de prétendre que le marché fonctionne. Enfin, c'est assez inquiétant en fait comme façon de fonctionner. Quels sont les chiffres ou les données que les éleveurs doivent remonter depuis l'arrivée de ces puces aux autorités ? Ben, c'est exactement les mêmes que ceux qu'eux avaient, sauf que la puce, elle produit plein d'informations. En fait, dans un élevage, dans une production animale industrielle, une grosse ferme, cette puce, elle pourrait servir à ouvrir des portails, à les refermer, à identifier un animal qui se trouve sur une balance et à le peser tous les jours ou à le peser chaque fois qu'il passe. Elle pourrait servir à plein de choses dans une usine mécanique sans un être humain, et gérer des milliers et des milliers d'animaux dans la même ferme, ce qui est, sur le plan sanitaire, pas une très très bonne idée. Et donc elle peut potentiellement fournir plein d'informations, mais ce que les éleveurs nous racontent, c'est qu'avec la puce, les contrôleurs ont à la disposition plein d'informations, et qui compliquent en fait beaucoup l'opération, alors qu'eux en fait pourraient leur tendre juste un cahier d'élevage avec, ben voilà, on a 50 brebis depuis l'an dernier, il y en a tant qui sont nées, tant qui sont mortes, une qui est allée chez l'équarisseur parce qu'elle est morte de maladie, et puis il y en a 12 qui ont fini à l'abattoir, et puis il y en a 3 qu'on a mangé. Parce qu'il y a une certaine tolérance en fait toujours sur le fait que les producteurs mangent aussi leurs agneaux. Et donc en fait un truc assez simple d'identification pourrait être fait par les éleveurs avec uniquement des outils papier. Et parce qu'il s'agit, pour eux, ça leur semble assez normal, ils ne sont pas non plus extrêmement choqués qu'on sache qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Et donc il y a une fiche, il y a des fiches pour tous les animaux. Les éleveurs sont tous capables de dire qui c'est qu'il y a sur leur ferme, qui est la fille de qui, et quels sont les animaux aussi qui ont été échangés avec d'autres éleveurs pour faire entrer un peu de diversité génétique, un bélier qui a été échangé contre un autre. Et donc tous ces mouvements d'animaux, ils sont tout à fait d'accord pour qu'ils soient répertoriés, gardés par les éleveurs. Ils n'ont pas forcément envie de les partager avec l'administration, mais en tout cas, ils trouvent que c'est un geste, ça fait partie du métier. Et en revanche, ils ne sont pas du tout d'accord sur le fait que de les mettre sur une puce. Il y a énormément d'instances, que ce soit régionales, européennes et nationales, qui demandent des comptes. C'est une profession très précarisée, donc ils sont souvent dépendants des aides qu'ils peuvent recevoir. Dans les personnes qui interviennent, ils disent que parfois c'est une journée de travail par semaine à remplir de la paperasse. C'est un truc qu'ils trouvent non seulement inutile, sans intérêt, absurde, mais ils sont obligés de le faire et ils sont tenus de le faire pour survivre. Ouais, dans la BD, on avait une page avec un des éleveurs qui s'appelle Christophe Richard, qui faisait la liste des organismes avec lesquels il était en contact. Et puis c'était une liste, mais il y avait au moins, je sais pas combien il y avait de noms. Et puis à la fin, il disait oui, puis au conseil régional aussi, je crois que j'envoie des trucs. Et c'était un boulot de... Et en fait, lui, il mettait à part le boulot que tu dois faire assis sur un coin de table, à faire la compta de ton exploitation, à préparer ce que tu vas faire sur telle terre, tout ça. Enfin, tout un boulot intellectuel, en fait, un boulot qui se fait sur papier, papier-crayon, enfin, d'organisation de l'exploitation. Il le mettait vraiment, ce boulot qui peut se faire, y compris sur l'ordinateur. Pour lui, c'était un boulot qui avait du sens, un boulot qui faisait partie du métier. Et en revanche, le boulot de nourrir l'administration en information, pour lui, c'était vraiment très, très... pour lui, c'était un boulot complètement inutile et qui lui faisait beaucoup, beaucoup de mal. Comme je disais, sur le livret d'élevage, où tu sais qui entre, qui sort, qui a été changé, qui a été vendu. Ça, pour eux, ça a du sens, en fait, d'avoir du papier, d'avoir des informations sur la ferme. Tout ça, c'est pas des gens qui veulent forcément passer leur journée à regarder leurs brebis dehors ou à faire des trucs avec leurs mains et tout. Il y a ce boulot de gestion, leur paraît normal, mais en revanche, le boulot de fournir des informations pour qu'on nous surveille, et puis ça, en revanche, ça les choque toujours pas mal, parce que c'est, au final, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Puis c'est un truc qui est obligatoire, parce qu'en fait, comme les prix agricoles sont... quand les subventions à l'agriculture, on gueule souvent contre les subventions à l'agriculture, on a l'impression que les gens se baffrent avec de l'argent public. En fait, c'est des subventions qui ont permis au prix agricole de rester stable. Quand même, le prix de la bouffe en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est vraiment très très bon marché, et que la bouffe industrielle, y compris de la viande, un kilo de viande des fois pour 5 euros, quoi. Enfin, des prix qui sont abominables, enfin, qui sont vraiment, qui permettent pas aux gens qui produisent qui produiraient dans des conditions correctes de vivre. Le problème, c'est pas les prix, le problème, c'est la rémunération et puis le revenu de certaines personnes. Donc, on est sur une structure, en fait, des budgets domestiques qui fait que la part de l'agriculture, la part des produits agricoles, elle est vraiment très réduite, parce que les prix sont bas, parce qu'on paye d'autres choses. On paye l'abus immobilière, on paye de s'acheter des merdes de iPhone et compagnie. Donc, on paye le fait que notre budget, il est structuré pour faire vivre une économie assez dégueulasse, qui n'a pas d'intérêt. Et en revanche, aux agriculteurs, on n'offre pas grand-chose. Et tout ça, c'est un truc qui est permis par le fait que les agriculteurs tirent leurs revenus qui ont d'autres sources de revenus qui sont les subventions, la PAC, les primes assises à ça, primes compensatrices de handicap naturel, des tonnes d'aides. Et ce qui fait qu'en cas de conflit avec l'administration, si jamais ils sont pas d'accord pour le puçage, ils ont un contrôle, ils perdent 5 000 euros de revenus, sachant que des fois c'est des gens qui en ont 10 000 à l'année. Donc c'est un peu compliqué en fait de tenir ces trucs sur la longue durée. Donc il y en a beaucoup qui ont lutté au début, soit ils se sont pris un contrôle et puis ils ont leur ferme a failli couler et puis bah, ils ont fini par pucer tout le monde, soit ils ont peur que ça leur arrive et ils garantissent pas que dans 2, 3, 4 ans il y ait des puces sur leur ferme. On se retrouve avec des gens qui sont vraiment écartelés et puis, parce qu'ils sont dépossédés d'une administration de l'élevage. En fait, eux se perçoivent comme des travailleurs indépendants sous les ordres d'une administration qui leur dit quoi faire. Ils sont même pas fonctionnaires à avoir cette sécurité de l'emploi et puis à être relativement pépères. Ils sont à la fois indépendants et à la fois administrés. Et c'est Xavier Nougan, je crois, qui dit que ça se fait comme ça à la démocrate. On te met la carotte et le bâton, mais t'es pas non plus obligé en fait de le faire. C'est juste que si tu le fais pas, tu coules. Et donc il y a un mélange des genres en fait qui est assez problématique selon eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font le lien en fait en disant ce que l'URSS a pas réussi à faire, c'est-à-dire une économie planifiée où on met tous les agriculteurs à l'industrie. Et ben en fait l'économie capitaliste arrive à le faire en fait avec ces contraintes là en fait. On va dire voilà, maintenant vous produisez tel type de maïs à tel endroit, etc., et à faire des grandes planifications, alors qu'on pourrait croire qu'on est dans un système de liberté individuelle avec des choses, et en fait c'est très contraignant, et finalement les agriculteurs se retrouvent à appliquer des plans européens maintenant. Ouais, c'est un genre de planification à la prime qui apparemment marche très bien pour décider ce qu'il y aura comme production chaque année. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moins 1, où on entend Aude Vidal qui nous parle de l'ouvrage qu'elle a coordonné. On achève bien les éleveurs, résistance à l'industrialisation de l'élevage. Encore une dizaine de minutes avant la fin de cette émission, et voilà, Aude Vidal va nous parler maintenant de la traçabilité, autre mesure bureaucratique. C'est-à-dire que la traçabilité, c'est une question qui est assez compliquée, et je renvoie au bouquin pour ceux que ça intéresse. Mais finalement, c'est une fois qu'on a lu le bouquin, on a l'impression que c'est, enfin, rencontrer tous ces gens, c'est que c'est vraiment une arnaque, que la traçabilité, c'est pour permettre de bouffer mieux, des choses de qualité et tout. En fait, non, c'est juste pour permettre au marché de s'étendre et à bouffer des trucs qui viennent de plus loin et qui sont encore plus dégueulasses. Et finalement, je répète, c'est la troisième fois, mais finalement, il y a toujours du cheval dans les lasagnes, quoi. Donc ça sert à rien. Et en revanche, ça crée les conditions à des usines énormes qui font que de la merde. Donc en fait, c'est à la fois une demande des consommateurs, mais les consommateurs, finalement, ils ne demandent pas non plus de pouvoir connaître le numéro d'élevage du cochon, de machin et tout. En fait, les consommateurs, ils demandent de bouffer des trucs bons qui sont produits à côté de chez eux, au bout du compte. Et le problème, c'est que ces trucs bons qui sont produits à côté de chez eux, et ben comme il y a de moins en moins d'éleveurs, il y a de moins en moins de bonne bouffe comme ça. Et finalement, les prix renchérissent parce qu'il y a un marché pour ça, parce que ça devient plus attractif. Et au final, on se retrouve dans une situation de pénurie annoncée de produits bio, locaux, artisanaux. Et à côté, il y a du bio-industriel qui se développe, alors qu'il certes a, on va dire, des caractéristiques environnementales qui sont relativement intéressantes, mais pas terribles non plus, parce que les standards sont largement en baisse, et qui en plus sont produits, enfin qui sont vraiment aussi une autre merde. Et c'est Jocelyne Porcher qui dit, en fait, elle dit, c'est pas des animaux, c'est pas des races, c'est des souches. C'est vraiment des produits de la génétique qui sont sur le marché. Et elle dit, le jour où le produit de la génétique, il te sortira un cochon aveugle, et en bio, il y aura des cochons aveugles. Tu vas à Monoprix, tu t'achètes du saucisson bio, il y aura du cochon aveugle. Mais pour dire que donc sur la traçabilité, il y a quand même des trucs extrêmement problématiques si on reste dans cette logique d'industrialisation, alors que grosso modo on est dans un paysage, on va dire, où il y a des gens très prescripteurs et puis qui ont des sous derrière, qui veulent acheter des bons produits et qui a priori seraient capables de faire vivre ce petit élevage. Et en fait non, on les oriente eux vers un truc, des produits complètement industriels, mais bio. Et cet élevage dont on a, j'espère, montré l'intérêt, il faudrait passer du temps maintenant pour raconter l'intérêt écologique aussi de cet élevage-là. C'est un élevage qui est intégré à une agriculture, c'est un élevage qui entretient des paysages, qui entretient des prés, les prés qui font partie de la biodiversité végétale aussi, parce qu'on ne retrouve pas les mêmes espèces de faune et de flore dans des prés que dans des forêts. Les forêts, on pourrait les entretenir en faisant bouffer des cochons dedans. Il y a tout un intérêt écologique extrêmement élevé de ce genre d'élevage, et dont on va finir par se priver parce que finalement on se tourne vers une agriculture et d'un élevage extrêmement spécialisé mais bio qui a plus aucun intérêt écologique. Et finalement, en fait, la solution, ça commence à devenir la disparition des animaux tout court. Et donc, il y a une solution en ce moment qui se décrète, qui est vachement plus intéressante que d'avoir des cochons qui vont manger des glands dans une forêt et de l'entretenir au passage, et d'avoir des petits producteurs ici et là sur les marchés. La solution, c'est de bouffer du tofu qui vient d'Allemagne, en fait, qui est produit à 1000 bornes de chez toi et qui est emballé sous plastique. C'est une solution quand même un peu folle et qui commence à s'imposer à travers l'idée que, de toute façon, l'élevage, c'est crado. Oui, l'élevage industriel, c'est crado, mais l'élevage dont il est question dans le bouquin, c'est un élevage... Alors moi, j'ai demandé à un éleveur, à Xavier Noulian, de lui parler des externalités positives de l'élevage, et notamment en matière d'environnement, et il m'a envoyé chier. Parce que c'est une manière pour lui de voir les choses qui est assez, assez choquante, mais le fait est que cet élevage, il a des bénéfices environnementaux qui sont évidents. Il permet d'exploiter, par exemple, des terres qui sont très pauvres, sur lesquelles on ne peut pas faire pousser des légumes. Il permet aussi de produire du fumier qui peut être utilisé en agriculture biologique et qui est vachement plus intéressant sur le plan écologique que de faire venir du guano du Pérou. Il y a toute une symbiose en fait entre agriculture et élevage. En fait, c'est juste qu'en agriculture bio, si on fait bien le boulot, on ne peut pas se passer des animaux. Et c'est de ça qu'il est question aussi dans le bouquin. La caricature, en fait, on voit avec les associations qui sont vraiment mises en avant en ce moment sur le véganisme et le végétarisme, où on a une confusion aussi entre l'élevage industriel et l'élevage tout court. Il y a quand même un rapport sensible des éleveurs envers leurs bêtes. Les animaux qu'on a en ce moment, c'est des animaux qui existent. Ils viennent de milliers d'années de domestication. Et donc il y a un côté un peu illusoire en fait, et très hors sol en fait. Des copains qui sont partis sur des trucs vegan. Et dans le bouquin, on a beaucoup, beaucoup d'alertes, alors de la part de Jocelyne Porcher, beaucoup qui s'inquiètent vraiment de voir les gens les plus radicaux tomber dans une défense d'une agriculture qui pourrait être industrielle, et c'est pas un problème. En revanche, il faut qu'elle soit sans les animaux. J'ai l'impression qu'on a pas mal de camarades qui se fourvoient en fait sur le véganisme et qui sont pas forcément très très au jus en fait de ce qui se fait en matière d'élevage et puis de comment est-ce qu'on fait pour produire de la bouffe de manière moins dégueulasse qu'en ce moment. Donc puis il y a aussi une belle annexe d'Aurélien Berland qui parle de la philosophie du rapport aux animaux qui est assez dans l'incompréhension de ce qui se passe sur ces questions. Et moi, quand j'ai un peu résumé ces questions, je dis que finalement, on s'intéresse plus à si on produit de l'animal ou du végétal, alors qu'on s'intéresse plus du tout à si on produit de manière industrielle ou si on produit de manière artisanale, avec l'intérêt politique aussi de produire sa propre bouffe, ou en tout cas pas loin, et d'avoir cette relation avec notre environnement. Et que finalement, ce qu'on stigmatise dans l'élevage, qui est l'administration des animaux, eh ben, il semble que ça soit acceptable de vivre dans une société qui est administrée et où nous-mêmes, on voit plus le problème à être nous-mêmes administrés, mais en revanche, on veut pas administrer des animaux. Et finalement, le bouquin, c'est aussi un hymne à la liberté. Pour terminer, la réaction des éleveurs, c'est le suicide, le divorce, c'est l'abandon de leur ferme, c'est plein de choses. En revanche, il y a aussi des gens qui luttent. Il y a tous les gens qui sont réunis sur le puçage, Faut pas pucer, ou d'autres groupes. Une coordination qui s'appelle le collectif Hors Normes, qui est un collectif qui lutte contre cette bureaucratisation et ces normes en agriculture. Il y a aussi les alter-consommateurs, mais on n'est pas non plus extrêmement élogieux par rapport à ça, parce que c'est souvent un petit bout de la lorgnette. De l'autre côté, dans l'économie, le gros du marché et puis l'administration, tout pousse vers la disparition de cet élevage. C'était donc Aude Vidal qui nous parlait de l'ouvrage qu'elle a coordonné. On achève bien les éleveurs, résistance à l'industrialisation de l'élevage. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont interviewées et qui donnent des textes dans cet ouvrage. La page du site des éditions L'Échappée, puisque vous pouvez aussi trouver ce lien vers cette page dans le descriptif qui est sur notre site, sur le site de Radio Zinzine. Il y a Jean-Pierre Berland, Jocelyne Porcher, Xavier Noulian, avec lequel on a déjà fait une émission de Racines de Moins 1 sur son ouvrage Le Ménage des Champs, Christophe Richard, le groupe Marcuse qui a fait un livre La Liberté dans le Coma aux éditions La Lenteur, Fabrice Jaragoyenne, Les Fermiers du Pic Bois et Stéphane Dinard qui fait partie du collectif Hors Normes, dont on a eu aussi l'occasion de parler à cette antenne et dans cette émission. Voilà, donc je voulais aussi remercier Radio Libertaire et l'émission Offensive Sonore qui nous a fourni cet enregistrement. C'est une émission qui est passée en décembre 2017 sur Radio Libertaire. Donc voilà, sur ce, bien je vous dis à la prochaine. Racines de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.